Cela faisait des années que je vivais seul et enfermé, qu'aucune fille je n'avais embrassée. Quand soudain elle est arrivée, alors là tout pour moi a changé. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Je passais mon temps devant la télé. Tous mes bonheurs étaient passés. J'étais comme mort et enterré. C'est toi qui m'as sauvé. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. J'étais triste et ne croyais plus en l'avenir. Je repassais en boucle mes souvenirs. Comment ma vie a-t-elle pu échouer ainsi? Tu as pris ma main, j'ai retrouvé le sourire. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Comment ce miracle a-t-il pu se produire? Je voyais les belles choses s'enfuir. Je marchais dans les rues, le regard vide. Je n'étais plus rien, moi qui avais connu la gloire. Moi qui vivais chaque jour des dizaines d'histoires. Moi qui a fait une quarantaine de concerts des Fomblards. Je n'avais désormais plus aucun espoir. Je cherchais juste à faire passer le temps. Regarder le plafond couché sur mon divan. Me repassant les images d'avant. Quand soudain, tu t'es penché sur moi. Ton visage rayonnant m'a apporté la joie. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus. Tu es l'amour que je n'espérais plus.